La nuit dernière, le palais des sports a été entièrement détruit par les fans de la nouvelle idole du rock'n'roll. Nous allons demander à Vince ses impressions. Vince, que s'est-il passé ? T'es le playboy le plus destroy, Vince, mon amour. T'es arrivé, les blousons noirs ont tout cassé. Vince, mon héros, so sexy et incompris.